Marie, ma grande, il serait temps de te réveiller. À trop vouloir vieillir, on finit par s'enterrer. Sous ton armure de fer, il y a Montmartre qui étouffe. Et un vieil artiste sans tableau qui se couche. Ta peinture s'éternit dans son cadre sans vernis. Plus de touches de couleur, Boulogne dépérit. Sans l'accordéon pour faire danser Saint-Germain. Le café étouffe, on ne boit plus de vin. Parisien tête de chien, Parigot tête de veau est un refrain usé, mais toujours usité. Il n'y a plus de sourire sur tes trottoirs pavés, sous lesquels la plage est un rêve fané. Pourtant, certains soirs, au hasard des trottoirs, un vieux nostalgique chante un pigalle épique. Paris, le soir, était une aventure, peuplée de chimères à l'abri de tes murs. Sous le pont Mirabeau, coule toujours la Seine, jamais dans l'autre sens, fidèle à elle-même. Mais elle ne porte plus les canaux, les péniches, qui restent à leur quai, c'est le décor qui triche. Paris se meurt, noyé dans ses caniveaux. On vomit dans la Seine, on pisse dans les ruisseaux. Et pourtant, il reste une trace d'espoir. Paris, lève-toi, écrase mon cafard.